Le porte-parole de l'Association nationale des Coréens aux États-Unis a lancé le 21 une déclaration exigeant des autorités sud-coréennes de permettre les cérémonies pour la réunification nationale.